Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 66. Des injustices dans les biens extérieurs, et, en premier lieu, du vol. En quel sens la possession des choses extérieures est naturelle, du droit de propriété, le vol et la rapine? Est-il permis de voler pour cause de nécessité, gravité relative de la rapine et du vol? 1. La possession des biens extérieurs est-elle naturelle à l'homme? Il est écrit au sujet de l'homme, « Vous avez tout mis à ses pieds », psaume 8, 8. Les choses créées ne sont pas soumises à l'homme dans leur nature même, sous ce rapport, elles ne relèvent que de Dieu, à qui en appartient le principal domaine, selon cette parole, la terre est au Seigneur. Psaume 33, 1. Mais, quant à l'usage que l'on peut en faire, nous avons un domaine naturel sur elle, car, par notre raison et notre volonté, nous pouvons en user pour notre bien propre, comme de choses faites pour nous. D'après le principe que les êtres imparfaits existent pour les parfaits. Ce domaine naturel, qui nous appartient parce que nous sommes des êtres raisonnables créés à l'image de Dieu, nous fut donné dès la création du premier homme, lorsque Dieu prononça ces paroles, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. » Genèse 1, 26. 2. Est-il permis de posséder une chose en propre? Deux sortes de droits conviennent à l'homme, la propriété et l'usage. Le droit de propriété, ou le pouvoir d'acquérir et de disposer, est nécessaire à la vie humaine, pour trois raisons. D'abord, on cultive ses propres biens avec plus de soin que le bien commun, chacun, évitant le travail, renvoie aux autres le soin de ce dernier, comme on le voit là où il se rencontre un grand nombre de serviteurs. Ensuite, il règne un ordre plus parfait dans les choses humaines, lorsque l'administration de chacune d'elles en particulier est confiée aux individus. Si tous s'occupaient de tout, il en résulterait une immense confusion. Enfin, la paix est mieux assurée quand chacun doit être content de ce qui lui revient. Il est d'expérience que les querelles sont très ordinaires chez les hommes qui possèdent des biens indivis. Quant à l'usage des choses de ce monde, les hommes doivent faire régner entre eux une sorte de communauté, de telle façon que chacun soit disposé à faire part de ses biens à ceux qui sont dans le besoin. L'apôtre écrivait à son disciple, « Commandez aux riches de donner avec facilité, prescrivez-leur de faire part de leurs biens aux pauvres. » 1 Timothée 6, 17. Note. Les riches ne doivent pas prendre pour eux ce qui est destiné à l'usage de tous. Celui qui arrive le premier à un théâtre n'a pas le droit d'en refuser l'entrée aux autres, son devoir, au contraire, est de leur en préparer la voie. Fin de la note. 3. Le vol consiste-t-il essentiellement à prendre en secret le bien d'autrui? Prendre injustement le bien d'autrui et le prendre secrètement, voilà ce qui caractérise l'essence du vol. On peut le définir, l'enlèvement furtif du bien d'autrui. 4. Le vol et la rapine sont-ils des péchés de différentes espèces? Le vol et la rapine sont des péchés qui diffèrent d'espèces. Ils ont cela de commun que, prenant une chose contre la volonté du maître, ils blessent l'un et l'autre la justice, mais le vol procède par la ruse, et la rapine par la violence, ils diffèrent ainsi d'espèce par leur cause. Note. Le vol est une manœuvre artificieuse, la rapine, un acte de confiance en sa propre puissance. Fin de la note. 5. Le vol est-il toujours un péché? Le décalogue est formel à ce sujet. Vous ne commettrez pas de vol. Exode 20, 15. On trouve dans le vol un double caractère de péché, son opposition avec la justice qui rend à chacun son droit, et la fraude qu'il emploie pour s'emparer insidieusement de ce qui est à autrui. Note. Que l'on ne nous objecte pas l'action des Hébreux en portant les vases égyptiens. Il est permis de prendre ouvertement ou en secret les biens qui sont adjugés par l'autorité compétente. Les Hébreux n'emportèrent les dépouilles des Égyptiens que sur l'ordre de Dieu, et comme une compensation des travaux injustes dont ils avaient été accablés. Cet enlèvement n'était pas un vol. Les objets trouvés qui n'ont jamais appartenu à personne, comme les diamants et les perles que l'on rencontre sur les bords de la mer, appartiennent aux premiers occupants. Les trésors depuis longtemps enfouis dans la terre sont accordés par la loi civile, moitié à celui qui les trouve, moitié au maître du champ. Les choses trouvées qui ont eu récemment un possesseur, mais qui sont abandonnées en réalité, peuvent être gardées sans injustice par celui qui les rencontre. On ne doit prendre les autres que dans l'intention de les remettre au maître qui n'en a pas fait l'abandon. Fin de la note. 6. Le vol est-il toujours un péché mortel? Voici la malédiction qui sera répandue sur la terre, tout voleur sera jugé d'après ce qui est écrit. Zacharie 5:3. Le péché mortel est celui qui est contraire à la vie spirituelle de notre âme, c'est-à-dire à la charité. Or, si la charité consiste principalement dans l'amour de Dieu, elle implique aussi l'amour du prochain, dont le devoir est de vouloir du bien à nos semblables et de leur en faire. Par le vol, on porte préjudice au prochain dans ses biens extérieurs. Si les hommes se volaient réciproquement, la société humaine ne serait pas possible. Le vol, à cause de son opposition avec la charité, est donc un péché mortel. Note. L'Écriture dit quelque part que le vol n'est pas une grande faute, Proverbe 6, 30, mais elle parle du vol par comparaison avec l'adultère. Les lois, dira quelqu'un, ne prononcent pas la peine de mort contre tous les voleurs. C'est que la justice de la vie présente n'inflige pas une telle peine pour tout péché mortel. La loi humaine, réservant au jugement de Dieu le châtiment proportionné à la faute, ne frappe que les péchés qui causent au prochain un préjudice irréparable, ou qui présentent une affreuse difformité. Mais, dit-on, ne répugne-t-il pas qu'un homme soit puni de la mort éternelle pour le vol d'une chose minime, par exemple, d'une aiguille ou d'une seule plume? La raison humaine comptant pour rien ce qui est minime, les hommes, dans les choses de ce genre, n'estiment pas qu'on leur fait tort. Celui qui les prend furtivement peut donc croire que son action n'est pas contraire à la volonté du maître, et être, pour ce motif, excusé de péché mortel. Ce n'est pas à dire, toutefois, qu'avec l'intention de voler et de porter préjudice au prochain, on ne puisse pas, même en dérobant des objets minimes, se rendre mortellement coupable. Il suffit, pour un péché mortel, d'une mauvaise pensée à laquelle on consent. Fin de la note. 7. Peut-on voler pour cause de nécessité? Suivant l'ordre établi par la divine providence, les biens de ce monde sont destinés à subvenir aux nécessités des hommes. Le droit humain ne pouvant déroger ni au droit naturel ni au droit divin, la division des biens et leur appropriation n'enlèvent pas le droit de les employer à secourir un homme qui est dans le besoin. Aussi le superflu que possèdent certaines personnes, Est-il destiné de droit naturel à la nourriture des pauvres? C'était sur un tel fondement que saint Ambroise disait ces paroles reproduites par le droit canon. Le pain que tu détiens, c'est celui des affamés, le vêtement que tu renfermes, c'est celui des nus. Tu enfouis dans la terre le rachat des captifs et le soulagement du malheureux. Seulement, comme le nombre des nécessiteux est très grand, et que chaque riche ne peut les secourir tous, chacun est libre de distribuer, comme il lui plaît, les biens dont il doit disposer en leur faveur. Mais s'il se présente une nécessité évidente et d'une urgence telle que l'on doive secourir quelqu'un à l'aide de ce qui tombe sous la main, par exemple, une personne qui va périr, à laquelle on ne peut sauver la vie qu'avec le bien d'autrui, il est permis alors de prendre ce bien ouvertement ou en secret. Il n'y a en cela ni vol, ni rapine. Note. Une telle urgence donne droit à ce qui est nécessaire pour sustenter notre vie ou celle d'un autre. Dans l'extrême nécessité, les biens sont communs. Fin de la note. 8. La rapine peut-elle avoir lieu sans péché? On ne peut, dans la société, employer la contrainte qu'au nom de l'autorité publique. Toute personne privée qui enlève quelque chose à autrui par violence, sans agir au nom de l'autorité, fait un acte illicite et commet une rapine, comme les voleurs de grand chemin. Les princes eux-mêmes, à qui le glaive est confié pour qu'ils soient les gardiens de la justice, ne doivent user de violence et de contrainte que conformément aux lois de l'équité, soit qu'ils combattent contre les ennemis de l'État, soit qu'ils sévissent au-dedans contre les malfaiteurs. Si quelques-uns, par un abus de pouvoir, extorquent violemment et contre la justice le bien d'autrui, ils agissent illicitement et sont tenus à la restitution. 9. Le vol est-il un péché plus grave que la rapine? Non. D'abord, le maître est plus directement blessé dans la rapine où on lui fait violence, que dans le vol où il y a ignorance de sa part. Ensuite, la rapine ne lui nuit pas seulement dans ses biens, elle l'insulte encore lui-même par une sorte d'affront, ce qui est plus grave que la fraude dont le vol se couvre. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.